mardi 21 décembre, vous êtes à l'écoute de Fréquence Paris Info, il est 13h, le journal Martial Leblanc. L'enfance foudroyée hier soir dans le métro de Paris, dans ce journal retour sur cet événement tragique qui relance le débat sur l'insécurité dans les transports. Une puce électronique pour les sans-abri, cette expérience pilote a été lancée ce matin à Marseille par le ministre de la Cohésion sociale. Il s'agit de permettre un meilleur suivi des sans-domicile fixe. J-3 pour acheter vos cadeaux de Noël. Dans cette édition, toutes les astuces pour ceux qui n'ont pas le temps de se rendre dans les magasins. Bonjour. Paris pleure ce matin la petite Naïma, cette fillette de 8 ans qui a trouvé la mort hier soir sur un quai de métro. Naïma, un prénom qui signifie la paix. Naïma, victime innocente d'une violence aveugle. Dans ces circonstances dramatiques, tentons d'abord d'y voir un peu plus clair. Ingrid Cornette, que s'est-il passé exactement hier soir dans les couloirs de la station République ? Il est un peu plus de 18h30 hier soir quand un banal contrôle de tickets à la station de métro République a dégénéré. D'après les premiers éléments de l'enquête, une dizaine de jeunes sans billets a tenté d'échapper aux agents de la RATP. Les deux groupes en sont rapidement venus aux mains. La situation s'est encore envenimée quand des usagers ont voulu intervenir. En quelques secondes, l'agitation a gagné les quais et les passagers, très nombreux à cette heure de pointe, ont semble-t-il paniqué. C'est au cours de cette gigantesque bousculade que la petite Naïma aurait été projetée sur les voies. S'en est suivie une véritable émeute qui a considérablement retardé le travail des pompiers et ce n'est que vers 23h30 que la station a pu être totalement évacuée. Voilà dans les grandes lignes comment se sont déroulés les dramatiques événements de la station République hier soir, mais beaucoup de points restent encore aussi obscurs que les tunnels du métro. Très peu de témoins ont été pour l'instant entendus et dès hier soir, des usagers mettaient en cause l'attitude des agents de la RATP. C'est maintenant au SRPJ de Paris d'essayer de démêler les chevaux de ce tragique enchaînement qui a conduit, rappelons-le, à la mort d'une fillette hier soir à la station République. Merci Ingrid. L'émotion est donc grande ce matin à la RATP. Les syndicats ont appelé à une journée de grève pour réclamer plus de sécurité sur le réseau. Michel Tétambois, agent de contrôle et délégué FO, nous expose les raisons de cette grogne. Évidemment, la manifestation qui aura lieu demain, elle est très importante. Elle est très importante pour tout le monde, pas seulement pour les agents de sécurité et les contrôleurs. Tout le monde est concerné. Parce que quand ce qui s'est passé avec cette pauvre enfant, là, c'est quelque chose de dramatique. Mais ça montre quand même à tout le monde, malheureusement, à quel point nos conditions de travail sont déplorables. Nous n'avons aucun moyen, je dis bien aucun. Les gouvernements successifs n'ont rien fait. Les pouvoirs publics, ils s'en foutent, il faut dire ce qui est. Nous, on ne peut pas travailler dans des conditions pareilles. Et quand un agent de sécurité risque sa peau quand il va travailler, il faut bien se rappeler que c'est tous les usagers qui risquent leur peau. Alors c'est pour ça que la manifestation de demain, il faut qu'elle dépasse en fait les différents clivages et les corporations. D'ailleurs, apparemment, le syndicat de police seront parmi nous et nous en félicitons. Parce que là, il faut que tout le monde se sente concerné. Il faut de la solidarité. Là. Parce qu'on ne peut pas supporter que des fraudeurs. Alors il y a eu la loi là, sur la fraude habituelle. C'est quelque chose c'est un premier pas. Mais les peines sont de fait complètement laxistes. C'est une loi qui c'est au bout de 10 amendes qui pourrait parfois risquer la prison, mais bon, on voit comment ça se passe. Concrètement, c'est quoi ? C'est des fraudeurs qui n'ont plus peur de rien, qui n'hésitent pas et qui sont de plus en plus agressifs. Et ces gens-là, il faut le rappeler, c'est des multirécidivistes. On ne peut pas laisser ces gens-là se balader dans la rue, dans le métro comme ça. Il faut que le gouvernement fasse quelque chose. Là, on attend une vraie réponse. Là on a besoin de vraiment de quelque chose, parce que là, nous, on ne peut pas aller plus loin. Nous là, tous les jours, on bosse, on fait de notre mieux, mais il faut que ça bouge. Là, il faut que ça bouge vraiment. Et pour ne rien arranger, on a appris ce matin que plusieurs abribus ont été saccagés cette nuit à Paris. Pas de métro, de RER ni de bus aujourd'hui dans la capitale, un trafic très perturbé sur le réseau SNCF, la circulation est donc chargée. Une victime de cette grève a accepté de s'exprimer au micro d'Étienne Lagrange. Ouais, moi j'en ai marre, vraiment j'en peux plus quoi, ça fait 2 heures que je suis coincé dans ma bagnole, franchement c'est n'importe quoi, en plus j'ai même pas de chauffage, j'ai super froid, je comprends pas qu'on puisse prendre en otage comme ça les gens qui travaillent, c'est toujours pareil de toute façon, c'est toujours pareil. Non, vous savez, ici bah on a l'habitude, hein, faut prendre son mal en patience, puis de toute façon pour moi, ils cherchent à défendre leur beefsteak. Tant mieux pour eux, moi je serai à leur place, je ferai exactement la même chose et puis... Est-ce que nous voulons, puisque nous...